Section 21 des mille et une nuits, tome 3e, 21e partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 21e partie de l'histoire du dormeur éveillé. La nourrice était dans une surprise extrême de voir le contraire de ce que le chef des eunuques avait rapporté au calife. « Ce visage noir de Mérour, s'écria-t-elle avec exclamation en élevant les mains, mériterait bien que Dieu le confondît d'avoir excité une si grande dissension entre ma bonne maîtresse et le commandeur des croyants, par un mensonge aussi insigne que celui qui leur a fait. « Il faut, ma fille, dit-elle en s'adressant à Nouza Oulaouda, que je vous dise la méchanceté et l'imposture de ce vilain Mérour, qui a soutenu à notre bonne maîtresse avec une effronterie inconcevable que vous étiez morte et que Abou Hassan était vivant. « Hélas, ma bonne mère, s'écria alors Nouza Oulaouda, plût à Dieu qu'il eût dit vrai, je ne serai pas dans l'affliction où vous me voyez et je ne pleurerai pas un époux qui m'était si cher. » En achevant ces dernières paroles, elle fondit en larmes, et elle marqua une plus grande désolation par le redoublement de ses pleurs et de ses cris. La nourrice, attendrie par les larmes de Nouza Oulaouda, s'assit auprès d'elle, et, en les accompagnant des siennes, elle s'approcha insensiblement de la tête d'Abou Hassan, souleva un peu son turban et lui découvrit le visage pour tâcher de le reconnaître. « Ah, pauvre Abou Hassan, dit-elle en le recouvrant aussitôt, je prie Dieu qu'il vous fasse miséricorde. Adieu, ma fille, dit-elle à Nouza Oulaouda, si je pouvais vous tenir compagnie plus longtemps, je le ferais de bon cœur. Mais je ne puis m'arrêter davantage. Mon devoir me presse d'aller incessamment délivrer notre bonne maîtresse de l'inquiétude affligeante où ce vilain noir l'a plongée par son impudent mensonge, en lui assurant, même avec serment, que vous étiez morte. » À peine la nourrice de Zobéide lui fermait la porte en sortant, que Nouza Oulaouda, qui jugeait bien qu'elle ne reviendrait pas, tant elle avait hâte de rejoindre la princesse, essuya ses larmes, débarrassa au plus tôt Abou Hassan de tout ce qui était autour de lui, et ils allèrent tous deux reprendre leur place sur le sofa contre la jalousie, en attendant tranquillement la fin de cette tromperie. Toujours prêts à se tirer d'affaire, de quelque côté qu'on voulût les prendre. La nourrice de Zobéide, cependant, malgré sa grande vieillesse, avait pressé le pas en revenant encore plus qu'elle n'avait fait en allant. Le plaisir de porter à la princesse une bonne nouvelle, et plus encore l'espérance d'une bonne récompense, la firent arriver en peu de temps. Elle entra dans le cabinet de la princesse presque hors d'haleine, et, en lui rendant compte de sa commission, elle raconta naïvement à Zobéide tout ce qu'elle venait de voir. Zobéide écouta le rapport de sa nourrice avec un plaisir des plus sensibles, et elle le fit bien voir, car dès qu'elle eut achevé, elle dit à sa nourrice d'un ton qui marquait gain de cause, « Raconte donc la même chose au commandeur des croyants qui nous regarde comme dépourvus de bon sens, et qui, avec cela, voudrait nous faire accroire que nous n'avons aucun sentiment de religion » et que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Dis-le à ce méchant esclave noir qui a l'insolence de me soutenir une chose qui n'est pas et que je sais mieux que lui. » Mérour, qui s'était attendu que le voyage de la nourrice et le rapport qu'elle ferait lui seraient favorables, fut vivement mortifié de ce qu'il avait réussi tout au contraire. D'ailleurs, il se trouvait piqué au vif de l'excès de la colère que Zobéide avait contre lui pour un fait dont il se croyait plus certain qu'aucun autre. C'est pourquoi il fut ravi d'avoir occasion de s'en expliquer librement avec la nourrice, plutôt qu'avec la princesse, à laquelle il n'osait répondre, de crainte de perdre le respect. « Vieille sans dents, dit-il à la nourrice sans aucun ménagement, tu es une menteuse, il n'est rien de tout ce que tu dis. » J'ai vu de mes propres yeux Nouza Oulaouda étendue morte au milieu de sa chambre. « Tu es un menteur et un insigne menteur toi-même, reprit la nourrice d'un ton insultant, d'oser soutenir une telle fausseté, à moi qui sors de chez Abou Hassan, que j'ai vu étendue mort et qui vient de quitter sa femme pleine de vie. « Je ne suis pas un imposteur, reprit Mérour, c'est toi qui cherches à nous jeter dans l'erreur. » Voilà une grande effronterie, répliqua la nourrice, d'oser me démentir ainsi en présence de leur majesté, moi qui viens de voir de mes propres yeux la vérité de ce que j'ai l'honneur de leur avancer. Nourrice, repartit encore Mérour, tu ferais mieux de ne point parler, tu radotes. Zobéide ne put supporter ce manquement de respect dans Mérour, qui, sans aucun égard, traitait sa nourrice si injurieusement en sa présence. Ainsi, sans donner le temps à sa nourrice de répondre à cette injure atroce, « Commandeur des croyants, dit-elle au calife, je vous demande justice contre cette insolence, qui ne vous regarde pas moins que moi. » Elle n'en put dire davantage, tant elle était outrée de dépit, le reste fut étouffé par ses larmes. Le calife, qui avait entendu toute cette contestation, la trouva fort embarrassante. Il avait beau rêver, il ne savait que penser de toutes ces contrariétés. La princesse, de son côté, aussi bien que Mérour, la nourrice et les femmes esclaves qui étaient là présentes, ne savaient que croire de cette aventure et gardaient le silence. Le calife enfin prit la parole. « Madame, dit-il en s'adressant à Zobéide, je vois bien que nous sommes tous des menteurs, moi le premier, toi, Mérour, et toi, nourrice. Au moins, il ne paraît pas que l'un soit plus croyable que l'autre. Ainsi, levons-nous et allons nous-mêmes sur les lieux reconnaître de quel côté est la vérité. Je ne vois pas un autre moyen de nous éclaircir de nos doutes et de nous mettre l'esprit en repos. » En disant ces paroles, le calife se leva, la princesse le suivit, et Mérour en marchant devant pour ouvrir la portière. « Commandeur des croyants, dit-il, j'ai bien de la joie que votre majesté ait pris ce parti, et j'en aurai une bien plus grande quand j'aurai fait voir à la nourrice, non pas qu'elle radote, puisque cette expression a eu le malheur de déplaire à ma bonne maîtresse, mais que le rapport qu'elle lui a fait n'est pas véritable. » La nourrice ne demeura pas sans réplique. « Tais-toi, visage noir, reprit-elle, il n'y a ici personne que toi qui puisse radoter. » Zobéide, qui était extraordinairement outré contre Mérour, ne put souffrir qu'il vînt encore à la charge contre sa nourrice. Elle prit encore son parti. « Méchante esclave, lui dit-elle, quoi que tu puisses dire, je maintiens que ma nourrice a dit la vérité. Pour toi, je ne te regarde que comme un menteur. » « Madame, reprit Mérour, si la nourrice est si fortement assurée que Nouza Oulaouda est vivante et que Abou Hassan est mort, qu'elle gage donc quelque chose contre moi. Elle ne l'oserait. » La nourrice fut prompte à la répartie. « Je l'ose si bien, lui dit-elle, que je te prends au mot. Voyons si tu oseras t'en dédire. » Mérour ne se dédit pas de sa parole. Ils gagèrent, la nourrice et lui, en présence du calife et de la princesse, une pièce de brocart d'or à fleurons d'argent, au choix de l'un et de l'autre. Fin de la 21e partie de l'histoire du dormeur éveillé. Section 21.